une soirée pleine, tu t'en es mis plein les poches. Tellement blindé que t'en as oublié tes proches. On te juge à l'apparence, donc tu voulais acheter un Porsche. Rien n'est plus comme avant, à l'époque où t'étais moche et les mains solides. Tu ne voleras pas le temps. Rempli d'ingratitude, on veut s'éloigner de toi. T'es sur Snap, sur Insta, t'es sur un piédestal. Tout ça c'est éphémère, tu veux Kaya Iniesta. Tu prends la vitesse, mais on sait pas où tu t'étales. Mon ami, réveille-toi. Putain, c'est trop dommage, on t'avait validé. Il avait un bon fond, ami, t'as pas idée. Cali dans le vide, j'ai dû l'éliminer. T'as pas idée. Ah ouais, pote, laisse tomber. Les gars disent qu'ils font les folles, pote, laisse tomber. Ah ouais, laisse tomber. Fais bugger mon téléphone, pote, laisse tomber. Dans ton phone, tu te rappelles plus de la veille. T'as du plomb dans la tête, donc tu perds de l'oseille. Plongé dans la mala, faut rembourser ta dette. Les deux pieds dans la khra, ne réclame plus de l'air. Bye bye bye, yeah. La banlieue ou la street, c'est ton pali palié. Tu crois souvent les bleus, mais t'as rien à cacher. Tu nous fous dans la merde, en toute légalité. Putain, c'est trop dommage, on t'avait validé. Il avait un bon fond, ah mais t'as pas idée. Calé dans le vide, j'ai dû l'éliminer. L'éliminer. Faut te laisser tomber, les gars disent qu'il faut les folles, faut te laisser tomber.